Bonjour, c'est le facteur. J'ai un paquet. C'est le facteur, maman. Il dit qu'il a un paquet. Vous pouvez ouvrir la porte? Il demande si on peut ouvrir la porte. L'ascenseur est en panne. Est-ce que quelqu'un peut descendre? Il dit que l'ascenseur est en panne. Il demande si quelqu'un peut descendre. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. Dis-lui de regarder qui est l'expéditeur.